On se calme, ne poussez pas, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, ici Force Blanche pour le Flash Info, dans la belle ville de Furano, sur l'île d'Hokkaido, au nord du Japon. Je suis à l'extérieur du stade, au cœur de la foule, et ici le temps semble se couvrir. Il y a eu dans la journée d'importantes échauffourées, après qu'une manifestation à forte affluence des pro-comics ait mal tourné. Dans un communiqué de presse, le comédien de drama japonais Furanki de Basoko s'est exprimé en faveur du mouvement. La police locale et les robots policiers, qu'on appelle les persocopes, ont réussi à faire évacuer la foule, mais les manifestants se sont dirigés en masse ici, devant le stade. Eh oh, pas de bousculade, respectez le périmètre. Notre devise, c'est délit, punition, expéditive. Merci, persocope. Côté culture occidentale, le message est clair. La Coupe du Monde d'Angelic Killer doit s'arrêter pour éviter des attentats de la part de celui qui se fait connaître sous le pseudonyme d'Ami. Mais étonnamment, quelques otaku ont aussi pris part à cette marche. Ce soir, le match va bel et bien avoir lieu, mais la sécurité a été doublée. S'il vous plaît, calmez-vous. Respectez les journalistes, messieurs, dames, on fait notre boulot. Ne me forcez pas à appeler des renforts. Parce que les flics, eux, ils ont des prototypes de robots semi-géants qui ressemblent au Metal Gear. J'aime autant vous dire que vous ferez moins les malins quand vous les verrez. Hein. Bien. J'ai à côté de moi deux personnes pour qui la compétition s'est arrêtée trop vite, le capitaine de l'équipe de Bulgarie Dimitri Polyakov, ainsi que son entraîneur, coach Fullbuster, bonsoir. Bonsoir, Force Blanche. Tout d'abord, la Bulgarie n'a pas été qualifiée dans les 8 équipes de la phase finale. Et nous l'avons tous vu, la vidéo est devenue virale. Vous étiez emporté en arrachant la tête de la poupée de combat de Polyakov. Dans quel état d'esprit êtes-vous à... t'être posé ? C'est vrai que j'ai eu tort de faire ça. Il est certain que je n'aurais pas dû détruire son ange. Je me suis excusé, après coup. Il est vrai que j'ai été pris au dépourvu par le thème des qualifications. Je ne m'attendais pas au jeu du Summervars. Nous allons devoir reprendre de zéro toute notre stratégie pour retrouver notre meilleur niveau. J'ai déjà commencé à plancher sur un programme d'entraînement extrême pour fortifier le corps et l'esprit, à base de poussage de camions dans les routes de montagne, d'équilibre à un pied sur des bambous et de Tetris en mode hard. Ça promet. Les anges des joueurs de niveau international sont des petits bijoux de technologie et coûtent extrêmement cher. Avez-vous retrouvé un sponsor, monsieur Polyakov ? Pour le moment, je dois dire que je n'ai pas l'intention de me replonger tout de suite dans l'Angelic Killer. Je souhaite avant tout m'occuper de ma famille. Coach Fullbuster, après toutes ces manifestations, ces menaces et ces agressions de ces derniers jours, pensez-vous que la Coupe du Monde doit s'arrêter ? En tant que représentant de notre pays, nous nous devons de respecter la décision prise collégialement entre le Japon, les ministères de la Japatitude et la Fédération Internationale d'ACA. Aussi, je ne prendrai pas parti dans ce débat. Ce soir, vous allez observer un match pour le moins intéressant depuis les tribunes, entre l'équipe des Françaises et l'excellente formation tibétaine. Monsieur Polyakov, selon vous, qui l'emportera ? La France semble suffisamment préparée, mais il est vrai que tant sur le plan tactique que technique, le Tibet m'a l'air bien plus solide. Je pense qu'ils sauront déjouer les combinaisons des Françaises, malgré leur match précédent plutôt décevant contre l'Égypte. Bien, merci pour cette analyse. Je vais rendre l'antenne et la rencontre va bientôt débuter. Bonsoir à tous, je suis Risa Tutor, reporter à la Gazette de Tokyo. Mais ça, vous le saviez déjà. Je suis ici pour commenter ce match tant attendu de la France face au Tibet. À mes côtés, une ordure. L'ancien directeur du département de l'injustice otaku, l'un des pires fanatiques de vous savez pas qui, encore vivant, j'ai nommé l'ancien Hellboy, Ronin Limitrov. Oui, bon, bah, un peu de respect. D'emblée, vous m'accusez. Je viens là, j'ai même été choisi au hasard parmi des ministres d'otaku pour présenter la rencontre. Alors, vous allez tout de suite descendre d'un ton, madame. Choisi au hasard ? Ne vous foutez pas de moi. Le concours est truqué, on le sait tous. Dites plutôt que vous voulez améliorer votre image après avoir failli renverser le gouvernement. Écoutez, il y a un procès en cours. Je tiens juste à signaler aux auditeurs que la présomption d'innocence, ça existe toujours et que les preuves sont de mon côté. Je le répète, à aucun moment je ne participais de près ou de loin aux activités du partisan de celui dont on n'arrive jamais à prononcer le nom. Et toute cette affaire se réglera devant un tribunal et non pas ici. Nous sommes invités pour commenter ce match d'Angelic Killer et madame, si vous essayez de décrocher un scoop, laissez-moi vous dire que c'est peine perdue. Très bien, on va commenter pour le moment. Salut les amis, je suis Ellington John et je serai avec vous pour vous aider à la compréhension des règles du jeu. Ellington John, la crocus de célébrité, celle qui a séduit le grand Wigman Nukum, malgré la grande différence d'âge. Pardon ? Oh, mais non, pas du tout. Je suis justement en train de peaufiner un article sur vous. Il paraît que vous avez jeté votre dévolu sur Achipoa maintenant. Achi est mon ami, mais je... Oh, écoutez, c'est comme ça, débrouillez-vous tout seul. J'ai touché un point sensible, on dirait. Intéressant tout cela. Les membres de l'équipe du Tibet et de la France vont s'asseoir de chaque côté du terrain et se connectent. Mais saviez-vous, chers auditeurs, que dernièrement, des dirigeants du ministère anglais de la Japatitude ont voulu faire voter une loi pour interdire aux femmes de pratiquer l'Angelic Killer, un sport pourtant mixte depuis sa création? Heureusement que cela a été refusé à 70%. Mais devinez qui était derrière cette initiative? Oh, mais n'était-ce pas vous, monsieur Dimitrov? Ceci est mon avis, mais je trouve en effet que ce sport a un impact néfaste sur les jeunes femmes qui, à cause de cela, perdent les vraies valeurs de la culture japonaise. Les femmes à la cérémonie du thé, pendant que les hommes vont se boire des bières devant un épisode de Prison School, c'est ça? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je tiens simplement à respecter le plus possible les traditions japonaises d'antan. La situation actuelle dans le pays est ce qu'elle est. La société japonaise doit en effet gérer énormément de problèmes tels que le monde du travail, la chute démographique, le taux de suicide chez les étudiants, Tokyo Hotel, le prix d'entrée à la Japan Expo ou encore, effectivement, le modèle familial. Ce n'est pas à nous, otaku, de nous en mêler. Nous avons comme devoir de diffuser leur culture à travers le monde et rien d'autre. Oh, oh, le match débute malgré la pluie qui commence à tomber. On a même pas eu le temps de présenter les équipes, dis donc. Pour la France, coachée par Kurenai, Ray, Yori, Lucky, Anabi, Olivia, Céleste et Gona. Pour le Tibet, coaché par Netero Sensei, Linji, Fei, Shaoyu, Bu, Jagi, Shadow et Yuan. Terrain de type classique. Engagement. Linji passe à Fei, il va tout droit vers le but, il tire, il marque. 1-0. Une bien belle action qui s'est terminée par une balle en cloche de Fei. Ouais, ouais. Ça repart dans l'autre sens. Yori passe à Lucky qui envoie vers Ray. Elle se prend un coquard d'un mec. C'était du Jagi. Un peu de professionnalisme, s'il vous plaît. Elle lâche le boire et Shiryu se jette dessus. Elle continue et effectue un 1-2 avec Linji qui tente sa chance en même temps qu'il évite une balle rouge d'un éjecteur. Belle prouesse acrobatique, mais la keeper Céleste réussit à la dévier d'une claquette. Céleste Crystal, qui vient de quitter le club d'Angelic Killer des Komaeno de la ville de Lyon, car elle vient d'être rachetée pendant le mercato par les Seiryu de Metz. Un transfert qui va faire bouger le championnat français. Olivia et Anabi, les shooteuses, exécutent la technique de la tour Eiffel. Le Tibet est débordé par les balles rouges et cela laisse le champ libre en breakeruse française. Et l'attaque combinée de Ray et Lucky vient à bout de Shadow, le keeper tibétain. But ! Et ça enchaîne, Shadow plutôt énervé envoie loin vers Fei qui retourne au charbon. Les shooteuses, qui s'étaient trop avancées lors de l'action précédente, ne peuvent pas faire grand-chose. Olivia Williams lance tout de même un coquard dans un éjecteur. Il va être envoyé au hasard dans un autre éjecteur. Ah, mais c'est Yori qui se le prend, pas de chance. Et la voie est libre pour Fei qui continue tout seul sur le flanc gauche. Il tire et marque. 2-1 en faveur du Tibet. Il pleut des cordes maintenant. Ce n'est pas tant un problème pour les joueurs et joueuses, puisqu'ils sont à l'abri sur les côtés du terrain. Par contre, cela perturbe un peu les hologrammes. Rien de bien méchant, mais l'arbitre Dengeki-san annonce un temps mort pour demander aux équipes techniques de régler le souci. Pendant ce temps-là, je propose aux auditeurs d'écouter une interview qui m'a été octroyée par le seul et l'unique Achipoa juste avant le début de ce match. Je n'ai pas fait de montage de cet entretien pour plus d'authenticité, car c'est aussi ça, le journalisme de terrain. Oh, hé, veuillez rester à distance de Powassan. Un seul autographe par personne. Ah, mais qu'est-ce que vous là ? Monsieur Powa, Risa Twitter pour la Gazette de Tokyo. Désolé, chère femme, mais vous voyez, j'ai une interview, là. Merci. Vous me sauvez. Je peux même plus aller voir un match sans me faire harceler. J'ai dû même embaucher un perso cop là, les robots flics. Notre devise c'est délit, punition, expéditive. Il est lourd, il répète toujours la même chose. Mais bon, faut avouer que c'est utile. Venez dans cette salle. Madame, est-ce que j'aurais le droit de faire des blagues qui cassent le quatrième mur comme à l'accoutumée ? Non. Oh dommage. Bon, je peux parler de mes sponsors quand même. Je débute tout juste là en tant qu'auto-entrepreneur. Faut bien que ça rentre dans les caisses. Oui, d'accord. Je vous enregistre dans ce cas. Ça ne vous dérange pas ? Non, pas de problème. J'ai bien vu que votre micro était allumé depuis le début. Pas de l'affaire. PersoCop, repos. À vos ordres, Powassan. Ouh, c'est intime ici. C'est un placard à balai. Je vous préviens, si vous tentez quelque chose, je crie. Surtout que j'ai pas encore mué, alors je peux monter dans les aigus. Hein. Mais non, voyons, que vas-tu imaginer ? Tu permets que je te tutoie ? Parfait. Alors dis-moi, te voilà, toi, un garçon de seulement 9 ans. Bientôt 12. Devenu l'une des plus grandes icônes otaku, en ayant vaincu par 2 fois celui dont on n'arrive jamais à prononcer le nom. Entre autres. Mais par quel prodige as-tu sauvé le monde ? Quel mystère cette cicatrice masque-t-elle ? Le courage est-il là, sous cette tignasse ébouriffée ? Le kimono fait-il le moine Shaolin ? En bref, de quoi un héros est-il fait ? Moi et moi voudrions le savoir. Et moi voudrais sortir. Tu es l'actualité brûlante. Mes lecteurs assoiffés veulent tous connaître la marque de tes vêtements. Eh bien, c'est une édition limitée, un kimono Batosai avec veste rouge et pantalon blanc de chez Madame Chidure. Oui, oh, son nom est pas facile à porter, mais contrairement à ce qu'elle vend. Donc allez-y, hein. Revenons-en à Noneko. Alors, dis-moi... J'ai appris certaines choses sur toi et ton grand ami Cumulus Aride. Tous les deux, depuis quand essayez-vous de gruger le système en embauchant au noir des élèves de jobbeurs qui vendent de la drogue pour vous et vos petits amis ? C'est mal ça, vous le savez ? Mais j'ai jamais fait ça ! La toute nouvelle poudre de ciboulette fait des ravages. Vous inventez là, j'ai aucun besoin de fric et en plus on essaye de me tuer un jour sur deux, j'ai d'autres priorités. C'est cela, oui. Et au niveau amour, as-tu une petite amie à Jobar ? Bah non, pas en ce moment du moins. Je traîne surtout avec mes amis Wan et Elmiton. Elmiton, hein ? Voyez-vous ça, comme c'est... touchant. Allez, parlons un peu plus sérieusement. Je suppose que tu as des contacts très haut placés. As-tu une idée du nom de celui qui se fait appeler Ami ? Ouais, carrément. C'est vrai ? En fait, il paraîtrait qu'il serait le frère caché de Jabus Dumbanawa, Omnibus Dumbanawa. Si quelqu'un devait découvrir quelque chose, tout ce qu'il aurait à faire, ce serait de suivre le petit Totoro. Hein ? Non, attendez, j'ai mieux. En fait, voilà, c'est l'enfant caché, maudit, qui a eu donc Woro de Morote avec Bella Swan. Enfin, pas la vampire des films moisis, je veux dire celle qui faisait partie des Hellboy. D'ailleurs, est-ce qu'on dit Hellgirl pour les femmes ? Ils ont eu une fille qui vient du futur. C'est compliqué. Et du coup, elle essaye de me retrouver pour me tuer. Si tu sais pas, pas la peine de dire n'importe quoi. C'est facile de répandre des rumeurs, hein ? Enfin, c'est le genre de truc qui fonctionne avec Miton. Dans une 20aine de minutes, je vais être la commentatrice du match avec un certain Limitrov. Il me semble que ce nom te soit familier. Plutôt, ouais, il a essayé de me buter 2 ou 3 fois. T'es sérieux, là ? Bah, je me souviens qu'une fois, il m'a poursuivi dans le ministère en me tirant dessus. Et sinon aussi, il a voulu m'écraser avec un Goldorak géant. Ouais, je crois que c'est à peu près tout, mais à sa décharge, c'est pas le seul qui a tenté de m'assassiner cette année. Je crois que j'ai perdu le compte à force. Alors, attendez, il me semble qu'une fois, j'ai rencontré son neveu. Ouais, celui qui distribue les ikigami, là. Il avait la même voix, je crois. Tu serais prêt à témoigner si jamais il y avait un procès ? Ouais, si ça peut le mettre derrière les barreaux, je vais pas manquer ça. Bon, et du coup, je suis plus très sûr d'avoir envie de le voir, ce match, hein. De toute manière, il faut que je rappelle mes ouvriers. Avec le décalage horaire, ça va être genre midi à Londres, un truc comme ça. Oui, parce que en fait, je vous explique, mon oncle, ma tante et mon cousin sont partis en vacances. Et du coup, pendant ce temps, je fais construire sous leur véranda une cave secrète. Et, Merci, j'ai tout ce qu'il me faut. Oui, ça vous intéresse pas, d'accord. Ok, au revoir. C'est ça. Allez, au revoir. Qu'avez-vous à répondre aux accusations de l'élu ? Il a quand même de sérieux arguments. Il est vrai qu'il y a quelques mois, il est venu au ministère alors qu'il était activement recherché. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Le laisser partir ? Je n'ai fait qu'essayer de maintenir l'ordre. Quant à cette histoire de Mecha, je n'ai pas la moindre idée de ce dont il parle. Et en plus, je préfère Gundam. Pas très convaincante, votre défense. Le match reprend. Linji passe à Shaoyu. Elle s'engouffre dans la brèche et feinte le ki. Elle tire, mais Céleste repousse le ballon encore une fois. L'attaquante réussit à reprendre le boire, fait tir dans la lucarne. La France tente leur attaque de l'aligo à l'ancienne. Les trois handbrakeuses se placent en ligne droite et se passent la balle blanche une fois en lobe par-dessus, une fois entre les jambes, devant ou derrière. Elles franchissent facilement le barrage des shooters tibétains. Une technique qu'elles maîtrisent à la perfection, mais qui ne peut être réalisée que lors d'une contre-attaque lorsqu'elles ont le champ libre, car elles mettent plus de temps à arriver dans le camp adverse. Ray récupère le boif et tire dans le coin opposé des cages. Mais Shadow ne s'est pas laissé avoir et prend appui sur le poteau droit pour se propulser de l'autre côté. Pas de point pour la France sur cette pourtant jolie action. Alors, monsieur Limitrov, les gens ne le savent pas, mais vous êtes un membre permanent d'une secte d'otaku. Madame Twitter, mesurez vos propos. Cela n'a rien à voir avec une secte. Je fais tout bonnement partie du cercle de Tezuka. Nous nous réunissons chaque premier samedi du mois et nous discutons de vieux mangas. Un club de lecture, si vous préférez. Vraiment ? J'ai pourtant ici un enregistrement d'une cérémonie d'il y a quelques années, dans lequel vous avez failli tuer un enfant. Écoutons voir. Bonsoir, mesdames et messieurs les otaku. Merci d'être présents en ce jour pour assister à mon épreuve d'initiation. Mais respect à chacun d'entre vous et gloire aux anciens. Nous allons choisir au hasard ton épreuve. Il y en a 13 et tu peux mourir pour de vrai. Et de par le fait, tu ne seras jamais un grand otaku. En même temps, si je meurs, c'est logique. Et tu déshonoreras toute ta famille pendant 17 générations. Ah là, c'est tout de suite moins cool. Bon, je choisis cette épreuve-ci. Ah, voilà de quoi intéresser le public. L'épreuve du feu, la plus difficile. Quoi ? Mais père, il vaut quand même pas ! Tais-toi et crame, fiston, c'est pour ton bien. Nous avons aménagé votre sauna en véritable enfer. Il devra y résister pendant une minute. Les jets de flammes sont incontrôlables. Il risque de te défigurer. Ton eh bien, on dirait que tu as bel et bien raté l'épreuve. Je m'en fous. Laissez-moi me faire égorger par un tanuki. Me faites plus revivre ça. Le jury et moi-même avons apprécié le spectacle tout de même. Ta détermination et le pot de vin de ton père nous ont conquis, tout comme les prostituées japonaises. Voici pour toi ton propre bandeau de ninja que tu devras porter à ton front avec fierté. Waouh, trop bien ce symbole de tête de mort. Ça cachera ma future énorme cicatrice. Ce sont des calomnies. Cet enregistrement est trafiqué. Je n'ai jamais participé à ceci. Tout est faux. Et on ajoute la fréquentation des réseaux de prostitution à la liste. Ça ne devrait pas nous étonner, sachant que c'est vous qui faites la publicité pour les préservatifs Wasabix. Si jamais vous continuez de diffuser des informations mensongères sur ma personne, je vous attaque en justice et croyez-moi, j'ai les moyens. Et pour Wasabix, ce n'est qu'un contrat, rien de plus. Je ne vois pas en quoi je devrais avoir honte de faire une publicité pour des contraceptifs. Bon, mais sans blague, la prochaine fois que vous diffusez un extrait diffamatoire, je quitte ce plateau sur le champ et vous allez entendre des nouvelles de mon avocat. Très bien, on dirait que j'ai vu juste. Pas de problème, j'ai ce qu'il me faut pour mon prochain article. Mais je suis surprise. Je dois avouer qu'en général, les gens s'enfuient après avoir écouté mes extraits. C'est plutôt courageux de votre part de rester. Évidemment que je reste. Je n'ai rien à me reprocher et ce n'est certainement pas une polémiste de votre espèce qui me fera flancher. Si vous voulez du grain à moudre, eh bien vous devriez plutôt vous pencher sur les affaires de mœurs de Dunbanawa. Lui, il a fait des choses pas reluisantes durant sa vie. Tout le monde l'encense depuis qu'il est décédé tragiquement, mais je vous le dis, c'était l'un des pires. Justement, je suis en train d'écrire un livre sur lui. Et faites-moi confiance, chers auditeurs, je vais creuser tout ça. Voyons voir ce qui se passe sur les terrains. 6 à 5 pour la France, qui a rattrapé son retard. Linji envoie un boulet de canon à Céleste qui n'arrive pas à capter le boarf. 6 partout. Les deux speedjumpers commencent à se combattre, Yuan et Grenat. Lequel des deux arrivera à mettre l'autre au tapis ? Pendant ce temps, Jagi dégomme Yori avec son tir du loup dans un cocard. Elle laisse le boire dans le camp tibétain. C'est pas si mal finalement de commenter un match. Je devrais faire ça plus souvent. La speed jumper se déchaîne. Yuan est désemparé, mais il est bien protégé par son Pegasus 2001. Elle lui envoie son attaque striker. Yuan est touché par sa mini tornade. Il est à terre, mais pas encore KO. Il va en falloir un peu plus pour le battre. Il se relève, mais attendez. Ne me dites pas que... mince, il est en train d'avoir un flashback. L'arbitre a sifflé. C'est la règle. Le match se met donc en pause. La régie va se connecter au cerveau de Yuan pour diffuser son flashback sur les écrans géants. Dans le temps, on s'en tapait au moins 3 par match. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas encore de connexion par onde cérébrale. Alors les types étaient juste plantés là, au milieu du terrain, comme des branques, pendant 5 minutes, à réfléchir, à ressasser, à cogiter sur leur passé pendant que le match suivait son cours. Heureusement que c'est un peu plus contrôlé maintenant. Oui, en Coupe du Monde, je crois que c'est limité à une rétrospective par équipe tous les 5 ans. Dans les ligues nationales, c'est maximum 4 par saison. Ah, ça y est, Jeff signale que c'est prêt. Voyons cela. Tout se joue ici et maintenant. Il faut que je l'emporte. Je dois aller en finale. Je dois le faire pour tous les gens qui comptent pour moi. Je suis né avec ce fardeau, cette cécité qui a fait de ma vie un enfer. Je n'étais encore qu'un nourrisson lorsque mes parents sont morts dans un incendie. Après avoir passé 12 ans en orphelinat, j'ai été recueilli par Netero-sensei, qui m'a appris de manière illégale les arts du pays du soleil levant. Soleil que je n'avais jamais pu contempler par ailleurs. Mais à 16 ans, j'ai été dénoncé comme étant clandestin par la femme à la voix de cristal que j'aimais en secret. Et j'ai été enrôlé de force dans l'armée chinoise. Je suis passé par toutes les atrocités de la guerre, dont je ne me suis jamais entièrement remis. N'ayant aucun problème pour me repérer grâce à mes autres sens surdéveloppés, j'ai profité d'un brouillard à couper au couteau pour disparaître lors d'une opération commando dans les montagnes. Je me suis par la suite retrouvé à errer pendant plusieurs semaines, jusqu'à tomber, à moitié mort, devant les portes du monastère de Jokang. J'y ai rencontré celui qui est désormais mon meilleur ami et mon capitaine, le bonze Linji. Il m'a appris l'art du combat, et moi, je lui ai appris à lire les mangas en braille. Quelques années plus tard, alors que j'avais quitté le temple et fondé une famille, Netero-sensei me retrouva. Il avait l'intention de former une équipe d'Angelic Killer, un sport qui marchait par onde cérébrale, afin de mesurer son génie à celui des autres entraîneurs de par le monde. N'ayant plus assez d'argent pour vivre, j'acceptais sa proposition. Shadow était devenu son nouveau disciple, un gamin ayant pour seul talent le vol à la tire. Le coach en fit le meilleur keeper de toute l'Asie, capable de rivaliser avec les plus grands handbreakers. Bu et Xiaoyu furent les suivants. Tous deux étaient des rescapés d'un tremblement de terre et n'avaient plus nulle part où aller. Nous ajoutions bientôt Fei, une ancienne star de films de kung-fu brûlée à la jambe lors d'un tournage, et Jagi, le quatrième héritier de l'art ancestral du Hokuto Shinken, défiguré par son propre frère. Alors que je commençais enfin à vivre, une nouvelle atroce me parvint. Les Hellboy avaient torturé et tué les moines de Jokang pour obtenir la création d'une arme de guerre, la clé du millénium. En nous rendant sur place, je retrouvais Linji tout juste vivant, avec des entailles partout sur le corps. Après avoir été remis sur pied, il n'était plus celui que je connaissais. Même la méditation ne parvenait à estomper sa rage. Mais grâce à ce sport, il put l'exprimer pleinement. Et maintenant me voici, à 2 pas de la victoire. Il faut que nous allions en finale. Je dois le faire pour mon fils qui a besoin d'un rein, pour ma femme qui a besoin d'un nouveau toit afin de faire naître des triplés, pour tous mes amis qui ont vécu des heures si sombres, pour que les moines de Jokang ne soient pas morts en vain. Et enfin, je dois le faire pour Netero-sensei, mon maître, mon père spirituel, cet homme qui n'a jamais pu mettre la main sur le fameux pacemaker de longue vie, pour qu'il puisse enfin réaliser son rêve avant de décéder. Mes amis, allons décrocher ce titre de champion du monde! Ah, c'est bon, c'est fini. Ah, encore un peu, on avait le droit au coup du vieux sage chinois qui lui aurait demandé, genre, de retrouver les talismans magiques du zodiaque machin les fesses pour éviter la fin du monde et le reste. Ah ouais. Pouh, c'était long. La moitié des spectateurs sont en pleurs, les autres se sont endormis. mais on a enfin un peu de matière pour écrire des articles sur cette mystérieuse équipe. Selon mes calculs, ses chances de victoire ont augmenté de 72%. Le match reprend. Yuan est remonté. Il court vers Laetitia Grenat, qui est désemparée. Elle esquive le coup des stocks. Mais il est habile avec sa rapière. Bien qu'aveugle, il ressent toute action. Grenat continue d'esquiver et l'attaque sur son flanc. Elle lui manque de peu. Il contre-attaque. Ça a fonctionné. La Française est à terre. Un éjecteur au hasard envoie le Kintama que Yuan doit attraper et mettre dans le panier. Mais l'équipe française tente de le repousser. Olivia et Anabi envoient les deux coquins vers Yuan qui esquive magistralement. Même la gardienne Céleste Crystal essaye de s'interposer. Mais Yuan s'est laissé pousser des ailes grâce à son flashback. Il se faufile et récupère la balle dorée. Il est obligé de faire un détour pour éviter ses adversaires et Grenat est de nouveau sur pied. Elle l'attend au rond central. Elle lui envoie son attaque Invisible Air. Il ne peut pas l'éviter. Il se l'est pris de plein fouet. Il est repoussé de plusieurs mètres du rond central où se trouve le panier. Mais il tient fermement le Kintama. Oh mon Dieu! Regardez! Du côté des Tibétains, un homme est en train de courir complètement nu sur le stade. Concentrez-vous, ça n'a rien à voir avec le match. Le service de sécurité va s'en charger. Non mais attendez! Il porte un masque de Kabuki. C'est un partisan d'Ami. Et il se jette dans la peau. Quoi? Sérieusement? Non, ça va, les persos cop et les policiers viennent de l'appréhender. Retrouvons plutôt le match. L'arbitre n'a pas sifflé et Yuan n'a pas été perturbé. Nous reviendrons sur cet incident juste après. Grenat se lance à l'assaut de Yuan avec ses deux sabres. Une nouvelle fois, elle semble enragée. Il envoie le Kintama de toutes ses forces vers le palier avant le choc. Oui, il y est. Le Tibet est en finale et le match se clôt sur un score de 7-21. Oh là là, que fait Grenat? L'arbitre Dengekisan a sifflé la fin de la rencontre, mais elle veut encore affronter Yuan. Elle risque une sanction qui peut aller jusqu'à l'interdiction de compétition pendant 2 ans. Yuan part comme il peut les coups. Il faut qu'il se déconnecte du terrain. Vite! Regardez, Grenat est en train de... Oh non, elle ne va quand même pas utiliser le Niten Ichiryu. Kami-sama, elle l'a fait! Les organisateurs viennent d'utiliser l'art et l'argent du système holographique, mais c'est trop tard! Yuan, il est mort? C'est confirmé par les médecins. Yuan est décédé. Ils sont en train de rapatrier son corps sans vie dans les vestiaires, et les autres joueurs sont sous le choc. C'est complètement fou. Grenat a bel et bien utilisé une des 3 techniques interdites de l'Angelic Killer. Les persocopes doivent tout de suite l'envoyer à la prison sous-marine d'Otaku Dimple Down pour cet acte abject. Attendez, mais la vraie Laetitia Grenat, assise au bout des terrains, semble complètement amorphe. On dirait qu'elle a perdu connaissance. À l'instant, je reçois des textos de ma rédaction. Il semblerait que d'après les images de certains spectateurs qui filmaient en live sur internet, quelqu'un avec un masque de kabuki aurait assommé Grenat et aurait pris sa place au moment où l'homme nu est entré sur le terrain. L'exhibitionniste aurait donc fait diversion pour que Ami puisse s'emparer de l'ange de Grenat. En tout cas, elle va être placée en détention provisoire. C'est bien possible que ça se soit passé de cette manière. Grenat a toujours été une joueuse exemplaire et ce n'est pas la première fois qu'elle rate sa chance de passer en finale. Elle a même déjà gagné la Coupe du Monde il y a 4 ans. Reprenons nos esprits pour que les auditeurs comprennent bien ce qui vient de se dérouler devant nos yeux. Il faut d'abord expliquer ce que sont les 3 techniques interdites de l'AK. Il y a en premier l'attaque de la vague de l'âme, le Renzukuken. Ensuite, il y a celle de l'Ama Kakeru, aussi appelée dragon divin, et celle que nous venons de voir, celle des deux cieux comme une terre, le Ninten Ishiryu. C'est une technique à 2 sabres dont l'école a été créée par le célèbre samouraï Musashi Miyamoto. Tout à fait, Twitter. Je faisais partie du conseil il y a 20 ans lorsque ces techniques ont été exclues. Le problème, c'est qu'elles sont si rapides que cela coupe la connexion entre l'esprit et la poupée. La lame va plus vite que le flux de données et finit inévitablement par tuer l'adversaire. Quoi qu'il en soit, si c'est bien avéré que Ami est derrière tout ça, cela va beaucoup peser dans la balance pendant les débats politiques. Cela va bien plus loin qu'un simple sport. Il faut aussi considérer l'aspect géopolitique. Attendez, ne changez pas de chaîne, on va essayer d'être concis et clair pour que même les plus jeunes puissent comprendre. Allez-y, monsieur Limitrov. Eh bien, il faut savoir que dans notre monde, il y a plusieurs cultures émergentes dont les plus importantes sont en premier lieu la japonaise, représentée par les otaku. Ensuite, il y a l'américaine, illustrée par les pro-comics. Et dans une moindre mesure, l'européenne avec les BD films, les fans de bande dessinée type franco-belge. Otaku, pro-comics et BD films, on ne peut pas dire que les trois communautés s'apprécient, et plus particulièrement les deux premières. Alors attention, nous parlons ici des personnes qui ont un vrai don et qui passent leur vie à se cultiver. Les admirateurs de la culture japonaise qui n'ont pas eu la chance d'entrer dans des écoles se surnomment les otakeds, parce qu'ils sont carrément otakés. Et d'ailleurs, je salue nombre d'entre eux qui nous écoutent ce soir. Et puis, il y a les autres que nous appelons les casse-culs. Ils piochent un peu dans les trois, ou peuvent être totalement contre. Certains sont majoritairement pour l'un ou pour l'autre, sans jamais trancher. Ou alors ils s'en fichent carrément. Mais s'il existe un peu partout des ministères de la japatitude et des écoles d'otaku, c'est aussi le cas des pro-comics avec le ministère des US et coutumes. On pense par exemple au plutôt réputé établissement Comics San Miguel, en Californie, qu'on appelle de par chez nous la beaucoup trop d'héros Academia. Grâce à Hollywood, on peut dire qu'ils ont frappé un grand coup ces dernières années avec leurs films de super-héros. Et ce ne sont pas les quelques tentatives d'adaptation de manga qui feront pencher la balance en notre faveur. De leur côté, les BD films n'ont pas encore de ministère à eux. Cela vient surtout des mésententes entre les pays de l'Union Européenne. Ils ont cependant une commission interministérielle, le bureau des paragraphes... le bureau des paragraphes hystériques illustrés et lisibles. Voilà, c'est ça, le BDFIL, chargé du développement culturel, du lien social et de la citoyenneté active, le tout dans une démarche éco-responsable et paritaire. C'est un peu comme une guerre froide entre les otaku et les pro-comics qui veulent chacun que leur culture soit reconnue comme supérieure. Et c'est en ça que cette crise est importante. Si jamais Ami continue de semer le trouble dans la compétition, cela sera perçu comme un échec cuisant de la communauté otaku. Et notre réputation dégringolerait en flèche, laissant le champ libre aux pro-comics. Il faut que les autorités arrêtent de prendre tout cela à la légère. Il faut relayer en masse pour que les gouvernements se bougent. Alors, je le dis haut et fort, je lance tout de suite le hashtag « Je suis Chibi ». Et même si la compétition continuait, le Tibet se retrouve sans joueur phare au poste de speedjumper pour la finale. Ils n'ont pas de remplaçant, sans parler du traumatisme causé au reste de l'équipe. Dire qu'on s'est tapé tout son flashback. Ça y est, on vient de me confirmer que Grenat n'était pas connecté au terrain. Les données de son ange viennent d'être analysées et plusieurs sources le confirment. Elle va devoir tout de même répondre aux questions des inspecteurs japonais. Donc, je rappelle les faits. Un homme masqué, sans nul doute appartenant au groupuscule du Parti de l'Amitié, a utilisé l'ange pour tuer Yuan après que tous les regards se soient portés sur un exhibitionniste portant également un masque de kabuki. Une minute. Je crois qu'on n'a plus besoin de moi. Eh bien, ce fut un plaisir de participer. Au revoir. Oh, mais si tout le monde a regardé le type à poil, c'était à cause de vous ? Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire, j'ai juste... Si, c'est carrément votre faute. Tout le monde s'est focalisé sur lui parce que vous avez canalisé l'attention grâce au haut-parleur. C'est pas vrai. Ne me dites pas que vous êtes de mèche avec Ami. Ou même, si ça se trouve, c'est vous, Ami. Hé, en bas, vous m'entendez ? Ami se trouve avec moi dans la loge des commentateurs. Venez m'aider, vite ! Bon. J'aurais vraiment voulu m'en sortir sans que personne ne le découvre, mais tant pis. Qu'est-ce que vous faites ? Vous barricadez la porte ? Ça ne va pas stopper très longtemps les persocopes, mais ça sera suffisant. Bougez de la console, je dois faire une annonce. Certainement pas, je ne vous laisserai pas faire, non. Ne vous approchez pas de moi ! Au secours ! Risa Twitter, la célèbre journaliste. Vous avez un peu de cran tout de même. Eh oui, vous avez vu juste. J'ai bel et bien été l'un des plus fidèles partisans du maître. Et notre réseau d'information était plus important que le vôtre. Et je connais donc votre petit secret. Vous êtes une cyborg non déclarée. Et vous pouvez vous transformer en oiseau. C'est comme ça que vous dénichez tous vos scoops, n'est-ce pas ? Comment le savez-vous ? Peu importe, je suis du genre à savoir me taire. Votre secret sera bien gardé avec moi. Si vous Dégagez de là, immédiatement. Ah ! Ronan Limitrov, vous êtes en état d'arrestation. Ouvrez, ou nous défonçons la porte. Notre devise, c'est délit, mission expéditive. Bien, nous y voilà. Je n'ai que peu de temps, donc je vais essayer de faire court, malgré mon passif de politicien. Désolé de vous décevoir, mais je ne suis pas ami. Je n'ai même jamais rencontré. Mais lorsque le parti de l'amitié m'a demandé de faire diversion, je n'ai pas pu refuser. Je suis bien un ancien Hellboy. Je refuse de me cacher plus longtemps. Notre maître, Moru de Moruté, nous a quittés, mais il reste des partisans comme moi pour continuer son combat. Il savait que le monde des otaku commençait à sombrer, et il a voulu utiliser la manière forte pour la faire revivre. Aujourd'hui, force est de constater que malheureusement, la grande époque des otaku est arrivée à son terme, et qu'il vaut mieux la laisser s'éteindre pour se tourner vers d'autres cultures. Oui, vous imaginiez le maître comme quelqu'un d'abject qui voulait simplement dominer le monde. Mais c'est faux. Lui, il avait tout compris. Il voulait vivre éternellement pour avoir une culture si vaste qu'il pourrait la perpétuer et la diffuser jusqu'à la fin des temps. Il aimait par-dessus tout les mangas, mais il s'intéressait de très près aux comics. Il était un si grand fan de Batman qu'il avait choisi délibérément de se cosplayer en Joker. Et ce n'est pas tout. Il adorait aussi les bandes dessinées d'Astérix le Gaulois. Et c'était aussi un grand tatinophile. Réfléchissez-y, tous et tout autant que vous êtes. Faites-vous le bon choix lorsque vous rejetez les autres cultures? Est-ce vraiment ça que la communauté otaku souhaite transmettre aux générations futures? Ne bougez plus. Ronan Limitrov, vous êtes en état d'arrestation.